Jeanne et Michael s'aimaient dans la vie. Jeanne et Michael, moi ils m'ont dit oui, oui tous les deux. C'est démodé maintenant. Pourquoi cela nous? Moi, vous savez, j'ai dit oui. Oui à tous les deux. Oui à tous les deux. John et Michael, deux amis anglais. John et Michael, deux amants parfaits. Je leur ai dit oui, mais j'ai vu Suzy et Suzy m'a dit: pourquoi deux hommes seulement? C'est démodé maintenant. Moi je suis ton amie et je viens aussi te dire oui. John et Michael, moi et Suzy, ou bien Michael et moi, John et Suzy, pourquoi pas Suzy, Michael.